Afrique Média. Le monde, c'est nous. Allô? Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis monsieur Teta. Bonsoir monsieur, Afrique Média, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne. De nous retrouver au cœur de cette dernière édition de la semaine d'appel sur le continent avec cette grosse panique donc à l'Elysée. Le rôle trouble de la France au Sahel et principalement au Mali est sur le point d'être dévoilé. Les autorités de Bamako ont donc saisi le 16 août le Conseil de sécurité de l'ONU afin de demander une réunion urgente du Conseil de sécurité afin de faire toute la lumière sur le différend qui oppose la France au Mali. En effet, dans sa plainte, Bamako y dénonce une nouvelle fois des violations répétées de l'espace aérien de son pays par la France. Le gouvernement du président de la transition Assimi Goïta avait déjà signalé des incursions similaires en janvier et en avril dernier, tandis que Paris avait nié ces allégations. Abdoulaye Diop affirme dans son courrier disposer cette fois-là de preuves et être prêt à les présenter au Conseil de sécurité. Dans la même lettre, le diplomate malien affirme aussi à détenir les éléments qui indiqueraient que la France avait collecté des renseignements au Mali afin de les fournir à certains groupes terroristes. Eh bien, côté de la France, on essaye clairement de se justifier, mais surtout de refuser d'accepter effectivement ces accusations portées par l'État de Bamako sur la violation répétée de son espace aérien. Et nous, ce soir, on tentera d'apprécier avoir une lecture géopolitique autour de cette accusation portée donc au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies par le Mali. Est-ce que cette plainte va prospérer? Si oui, quels sont les quels risques courent donc la France après ces accusations portées au sein du Conseil de sécurité de l'ONU? La question est donc au centre des débats dans le cadre de cette édition d'appel sur le continent. Merci à vous, monsieur, de nous retrouver dans cette édition du 19 août 2022. Dans un instant, le débat avec notre seul invité, le président Banakani. Afrique Média. Le monde, c'est nous. Eh bien, merci, monsieur, de nous retrouver donc au cœur de cette autre édition d'appel sur le continent, édition qui joue, on va dire, les prolongations autour, eh bien, de ce bras de fer qui persiste davantage entre la France et le Mali sur les questions d'intégrité, mais surtout de souveraineté du peuple malien avec cette nouvelle correspondance, du moins ces accusations portées contre l'État de la France au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, accusé d'espionnage, mais surtout de violer de manière répétée, délibérée l'espace aérien malien. Les autorités de Bamako veulent donc cette fois-là l'arbitrage du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le regard géopolitique autour de ce fait d'actualité, c'est avec vous, président André Mbandakani, puisque vous êtes notre seul invité à cette édition. Bonsoir, bienvenue, président. Bonsoir, mon cher Fabrice Ndoum. J'espère que vous allez bien. Tout à fait. J'ai transmis mes remerciements pour tout ce que vous avez fait pour le succès du 6e congrès panafricaniste. Mmh. En votre absence, mais j'ose croire que vous les avez reçus. Absolument. J'ose croire que ma fille à la maison se porte bien. Parfaitement, président. Et si elle nous suit, je lui fais un coucou particulier. Elle pour qui j'ai une attention particulière. Alors je salue tous ceux qui sont attachés à cette émission. C'est une des émissions phares de notre télévision, parce qu'elle est dédiée aux téléspectateurs. Tout à fait. Voilà, donc je les salue. Je salue les techniciens et mes encouragements, qui doivent travailler très dur pour maintenir nos émissions à des niveaux de standards techniques appropriés. Et pour le reste, merci de m'avoir invité. Mm-hmm. Président, nous allons rentrer de plein pied autour de ce fait d'actualité. On ne vous a pas encore écouté sur cette actualité. Le Mali qui a donc porté des accusations au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la violation répétée, mais surtout délibérée de son espace aérien par les aéronefs, mais surtout les drones français. Pour beaucoup, c'est déjà qu'une victoire, davantage une victoire d'étape que d'arriver à ce niveau de responsabilité de la part de l'État central de Bamako. Quelle lecture peut-on en faire, lecture géopolitique autour de ce fait d'actualité, président Mbandakani? Premièrement, il ne faut pas tomber dans le piège de nos ennemis. Comme je le dis toujours, en reprenant leurs éléments de langage. La géopolitique est, entre autres, essentiellement une affaire de maîtriser les éléments de langage.

C'est ça qu'on appelle les questions stratégiques. Mm-hmm. Vous comprenez un peu. Donc, vous voyez qu'on arrive à une situation où, mon cher ami, la Russie comprend que pour sa survie en tant qu'État, il ne s'agit pas seulement de sécuriser une profondeur russe, même en Ukraine. Il est question d'équilibrer la puissance dans une nouvelle donne mondiale sur le plan géomilitaire qui fait que l'Afrique soit désormais dans le rang des puissances stratégiques. C'est ça que ça veut dire. Mais ça, c'est une révolution au niveau de la scène stratégique mondiale. C'est une révolution. Et je dis encore, allez prendre le soin de lire les documents de géopolitique russe. Vous allez comprendre que ce n'est pas un jeu, que ce n'est pas une affaire, que l'alliance, l'activation de cette vieille alliance historique entre la Russie et les pays africains, ce n'est pas un jeu. C'est le sens désormais de la géopolitique mondiale. Elle permettra de liquider les chaînes des esclavagistes occidentaux sur l'Afrique et de renouveler le monde. Président, appréciant cette fois-là la réaction de la classe politique française face à cette plainte. Il y a d'ailleurs le général Bruno Béral qui pense que c'est une véritable insulte que de dire que la France arme le terrorisme du côté du Sahel. Bien plus, on va me rappeler ce fait historique pour permettre aux téléspectateurs de comprendre davantage la filouterie communicationnelle, on va dire, des officiels français. Sur le cas de l'intervention en janvier 2013, ils disent d'ailleurs que si la France n'avait pas intervenu, vous connaissez très bien ce fait historique, les djihadistes étaient allés jusqu'à Kona, qui est à 53 km de Mopti. Rien ne pouvait les arrêter si ce n'était l'intervention de Sévéra, je me souviens très bien, pour sauver l'État central de Bamako. Là, on sait bien qu'on connaissait les alliances qu'il y avait entre l'État central français et un certain Ibrahim Boubacar Keïta de regretter mémoire aujourd'hui. En quoi est-ce que cette plainte du Mali constitue une insulte à la voix de la France? Ils ont raison. C'est plus qu'une insulte. C'est un déshabillement. Il ne peut pas seulement dire ça. C'est que ce sont des mots codés pour dire que c'est un jour de deuil. Et après, ils le disent au regard, disent-ils, des sacrifices consentis au Sahel. On parle de 53 soldats français qui seraient décédés dans cette guerre de libération du Sahel. Donc pour eux, dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas accompagné clairement le Mali dans cette guerre-là paraît comme une véritable insulte. Vous vous rappelez, à la veille des indépendances, les leaders nationalistes patriotiques qui revendiquaient les indépendances, en se référant aux idéaux universalistes mis en scène depuis la constitution de la Société des Nations, pour ne prendre que cette référence, on peut citer les références occidentales qui servent d'habit à leur impérialisme, les conquêtes anglaises pour les libertés, Bill of Rights, habeas corpus, la patrie la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, n'est-ce pas, et jusqu'à la déclaration d'indépendance des États-Unis, jusqu'à l'avènement de la Société des Nations, et même enfin de l'ONU en 1948. Mais avant ça, les révolutionnaires haïtiens, Toussaint Louverture et ses compagnons, ont instrumentalisé justement la déclaration des droits de l'homme, n'est-ce pas, les droits de l'homme et même les avancées, les révolutions anglaises pour poser le problème des esclaves. Vous comprenez ça? Donc, alors, quand les Africains faisaient ça dans les années 60, si on prend ça pour référence, c'est que les Français, les Belges, les Anglais, tous ces gens-là répondaient que vous êtes ingrats, que vous n'êtes pas digne de reconnaître les bienfaits de la colonisation. Non, vous apportez les lumières de la civilisation et pour seule récompense, vous demandez de partir. Et ce même discours a été tenu par M. Emmanuel Macron à Yaoundé. Là, il traite les Africains d'hypocrites. Vous avez tout compris. C'est une tradition. Pourquoi vous en voulez à ce petit général? C'est un petit militaire. C'est un petit militaire qui exécute les ordres. Si on le dit le contraire, demain il va dire non. C'est un exécutant, non? Mais c'est le petit militaire. Il faut toucher le. On est là dans les plaques fondamentales. Les plaques fondamentales. De la structure, j'allais même dire quasi-génétique, n'est-ce pas, génétique, du raisonnement des puissances occidentales à l'égard du continent africain en particulier. C'est-à-dire qu'ils ne comprendront, ils n'acceptent jamais, ils disent que nous sommes trop ingrats.